inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. Voilà. Nos passaran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminé dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Mais si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Hey yo. Au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel. Paraît-il, c'est 106.3 FM. Et nous sommes évidemment le mardi, je ne sais plus de quel mois. 19 février. Et nous sommes, comme vous le voyez, en direct, comme tous les mardis, de 19h à 20h30. On est rediffusé le vendredi. On a un Facebook où vous pouvez nous réécouter et voir un peu ce que nous pouvons écrire ou pas, d'ailleurs. C'est au fond près du radiateur, etc. etc. Et puis on a, je crois que... Iman peut nous dire qu'on a un Instagram ou je sais pas quoi, vas-y explique-nous. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram, c'est @ au fond près du radiateur. Enfin, AFPDRU. Voilà. AFP voilà. Du radiateur. Voilà. Mais ça va bien se passer, c'est pas grave. Ils ont un peu de mal avec la technologie. Ben oui, c'est normal, hein. On n'est pas des pros, entre guillemets, mais on nous souhaite un jour le devenir pour être peut-être très écoutés un peu partout à travers le monde. N'est-ce pas? Alors, ce soir, c'est, paraît-il, la manifestation contre l'antisémitisme, où on pourra voir pratiquement l'ensemble du gouvernement. Et on a pu voir un certain personnage qui s'appelle Alain Finkielkraut s'étaler dans les médias comme BFM, etc., sur cette question-là. Alors, quel est le lien entre Alain Finkielkraut, Éric Zemmour ou BHL. Ce sont des intellectuels qui considèrent qu'il y a une impossibilité d'avoir une critique sur l'État d'Israël, une défense totale et sans compromission de l'État d'Israël. Et l'autre chose, c'est en France, une essentialisation de la question française et être français. Une redécouverte de ça, où il faut saluer le drapeau bleu, blanc, rouge sans aucune critique, où effectivement, au nom de la race française qu'on a redécouvert, eh bien, il faut être blanc de peau et, j'allais dire, tous les autres, et notamment l'islam et les arabes, qui sont là, devenus la figure des pires antisémites et du monstre, sont les coupables de ce nouvel antisémitisme. On voit très bien avec ça qu'on est dans le discours très connu, très coté, qui s'appelle le choc des civilisations. Alors j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait pour répondre à ça, c'est la lettre d'Alain Badiou que je vais lire comme réponse, parce que je trouve que des fois il y a des choses intéressantes à reprendre. Le titre, c'est « Je vous abandonne dans votre trou ». Lors des discussions publiques et publiées, que nous avons eu naguère, je vous avais mis en garde contre le glissement progressif de votre position et singulièrement de votre crispation identitaire que je savais être à l'époque sans doute déjà très réactif, mais que je considérais comme loyal et sincère du côté d'un discours qui deviendrait indiscernable de celui des extrêmes droites toujours. C'est évidemment le pas que, malgré mes conseils éclairés, vous avez franchi avec le volume « L'identité malheureuse » et le devenir central dans votre pensée du concept proprement néo-nazi d'État ethnique. J'en ai pas été trop surpris puisque vous avez averti de ce péril intérieur, mais croyez-le, j'en ai été chagrin. Je pense toujours en effet que n'importe qui, et donc vous aussi, a la capacité de changer et soyons à un moment donné platoniciens de se tourner vers le bien. Mais vous êtes irrésistiblement tourné vers le mal de notre époque, ne savoir opposer à l'université abstraite et abjecte du marché mondial capitaliste que le culte mortifère dès qu'il prétend avoir une valeur politique quelconque, des identités nationales, voire, dans votre cas, ethniques, ce qui est pire. J'ajoute que votre instrumentation sur ce point de la question juive est la forme contemporaine de ce qui conduira les Juifs d'Europe au désastre, si du moins ceux qui, heureusement, résistent en nombre à cette tendance réactive ne parviennent pas à l'enrayer. Je veux dire la bascule du rôle extraordinaire des Juifs dans toutes les formes de l'universalisme scientifique, politique, artistique, philosophique, du côté du culte barbare et sans issues autres que meurtrière d'un État colonial. Je vous le dis, comme à tous ceux qui participent à ce culte, c'est vous qui, aujourd'hui, par cette brutale métamorphose d'un sujet support glorieux de l'universalisme en fétichisme, nationalisme, organisé, prenant le honteux relais de l'antisémitisme racialiste, une catastrophe identitaire sinistre. Dans votre groupe, des intellectuels qui vous accompagnent dans cette vilenie anti-juif, on me traite volontiers d'antisémite. Mais je fais que tenir et transformer positivement l'universalisme, hérité non seulement d'une immense pléiade de penseurs et de créateurs juifs, mais de certains et de milliers de militants communistes juifs venus des milieux ouvriers et populaires. Et si dénoncer le nationalisme et le colonialisme d'un pays déterminé est antisémite quand il s'agit d'Israël, quel nom lui donner quand il s'agit par exemple de la France, dont j'ai critiqué bien plus radicalement et continuellement, y compris aujourd'hui, les politiques tant coloniales que réactionnaires que je n'ai fait s'agissant de l'État d'Israël. Direz-vous alors, comme le faisaient les colons en Algérie dans les années 50, que je suis l'anti-France ? Il est vrai que vous semblez apprécier le charme des colons dès qu'il s'agit de colons israéliens. Vous êtes mis vous-même dans une trappe obscure, une sorte d'anti-universalisme borné et dépourvu de tout avenir autre qu'archi-réactionnaire. Et je crois deviner, je me trompe, que vous commencez à comprendre que là où vous êtes, ça sent le moisi et pire encore. Je me dis que si vous tenez tant à ce que je vienne à l'anniversaire de votre émission, à laquelle j'ai participé 4 fois du temps où vous étiez encore fréquentable, quoique déjà avec quelques précautions, ou que je participe encore à ladite émission, c'est que cela pourrait vous décoller un peu de votre trou. Si Badiou, le philosophe platonicien et communiste de service, accepte de venir me voir dans la trappe où je suis, pensez-vous peut-être, cela me donnera un peu d'air au regard de ceux dont le nombre grandit, qui m'assument, qui vous accuse de coquetterie en direction du Front National. Voyez-vous, j'ai déjà été critique dans ce que vous imaginez être mon camp, une certaine gauche radicale qui n'est nullement mon camp, mais passons. Pour avoir beaucoup trop dialogué avec vous, je maintiens sans hésitation que j'avais raison de le faire. Mais je dois bien constater, tout simplement, que je n'ai plus envie. Trop, c'est trop, voyez-vous. Je vous abandonne dans votre trou ou je vous laisse, si vous préférez, avec vos nouveaux amis, ceux qui ont fait le grand succès des pleurs que vous versez sur la fin des États ethniques, qu'ils prennent désormais soin de vous, Mon espoir est que quand vous comprendrez qu'ils sont où vous êtes, le bon sens qui, si l'on croit la philosophie classique, est la propre du sujet humain, vous reviendra. Voilà le texte d'Alain Badiou dénonçant en fin de compte tous ces discours. Je rajouterais que si vous voulez penser et comprendre la question juive, il y a aussi Marx qui, dès le début, a parlé de la question juive. Il y a aussi un autre auteur au milieu des années 40, qui s'appelle Abraham Léon, a posé la question matérialiste de la question juive. Cette personne a été déportée. Il y a aussi Normel George Frankenstein qui parle de l'industrie de l'Holocauste et réflexion sur l'exploitation de la souffrance juive aux éditions La Fabrique. Je pense que c'est bien de faire une petite pause musicale et après on revient avec nos invités, bien entendu. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à terre et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive, virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Et rebonsoir, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur 106.3 FM. Et je suis actuellement avec mon invité Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Guillaume. Pierre, tu es venu ce soir nous parler un petit peu de ton parcours, de la personne que tu es aujourd'hui et de ce qui t'a amené à être cette personne. On va peut-être commencer, peut-être te présenter tout simplement. Ouais, qui es-tu ? Ben, je m'appelle Pierre, du coup ben, j'ai 23 ans, ça fait quelques années que je suis militant maintenant, et je viens d'un milieu familial compliqué. Qu'est-ce que tu entends par compliqué ? Donc ma famille est pasteur depuis 4 générations, ma mère est famille d'accueil, mon père est militaire, et je suis gay. Donc c'est un parcours qui a été un parcours de construction et de déconstruction peut-être d'a priori que tu pouvais avoir sur ta personne, des doutes peut-être tout au long de ta construction en tant qu'adolescent, quand tu te découvres C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que quand on est né dans une famille comme ça, on n'a pas l'autorisation de penser qu'on peut l'être. C'est-à-dire qu'en fait, on n'imagine même pas ce qui peut être dans le champ des possibles pour nous. C'est-à-dire que c'est inimaginable et c'est pas concevable du niveau familial et du niveau interne. On est construit de cette manière-là et c'est pas possible. Et en fait, quand on prend cette distance avec ses parents, comme moi j'ai dû le faire pour aller faire mes études à 680 km de mes parents, ce qui aide quand même pas mal à du coup prendre de la distance avec eux et s'auto-construire. Mais du coup, en fait, cette auto-construction passe par une déconstruction pour comprendre les rouages et les murs sociaux et l'influence parentale qui s'impose à nous et la construction de pensée qu'on finit par avoir quand même. Et donc cette construction, cette déconstruction, tu l'as eue par le biais de la distance avec tes parents. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à changer un petit peu à te comprendre en fait, tout simplement. Moi, j'ai fait une prépa littéraire en fait, et j'avais une passion pour les auteurs gays sans le savoir qu'ils étaient gays. J'avais une passion pour Rimbaud, j'avais une passion pour j'ai perdu son prénom. C'est pas grave. Un essayiste qui était français, des années 60, et qui a écrit le discours du fragment amoureux, ça va revenir. C'est horrible, c'est un de mes auteurs favoris en plus. Le degré zéro de l'écriture, c'est... Bon, c'est pas grave, si ça te revient que plus tard, c'est... Bref, c'est des essayistes, des auteurs, etc. Et en fait, on finit par se retrouver dans leur position sans vraiment l'accepter pour soi. On a tous une énorme période de déni. Puis on tombe amoureux pour la première fois. Pas forcément la meilleure chose qui arrive et pas forcément la meilleure relation du monde, mais bon, ça arrive. Et puis en fait, c'est la vie qui te tombe dessus et tu retournes après cette première année de prépa chez tes parents. Et c'est soit on prie pour tes démons qui sont en toi, parce que forcément c'est des démons et c'est pas autre chose, soit tu fais tes valises et tu t'en vas. Et en fait... quand t'aimes tellement ta famille, t'as tellement pas envie de la quitter, t'es tellement proche d'eux que t'as pas envie de partir, en fait. Et donc, du coup, tu te dis, vas-y, on prie pour mes démons, et puis, en fait, tu te réveilles plus tôt le matin que prévu, et puis tu les entends prier, et puis, en fait, tu fais une crise de panique, et tu te dis, non, en fait, c'est pas la vie que je veux, c'est pas ça que je comprends de moi, et c'est pas ce que je suis. Donc, en fait, tu pars, tu t'enfermes dans ta chambre, ton père qui défonce la porte, tu fais ta valise, t'appelles ta meilleure pote... Tu cours dans les escaliers, tes parents qui essaient de t'imposer les mains, tu laisses ta valise, ton passeport, tes cartes d'identité, tout ce que t'as sur toi en fait et qui est capable de définir qui tu es, t'es capable de le laisser derrière toi juste pour pouvoir t'échapper de cet asile de fou à ce moment-là parce que c'est la seule chose à laquelle tu penses. Mm-hmm. Tu grimpes par-dessus le portail, tu grimpes dans la voiture et tu lui dis « roule ». Et la seule chose à laquelle tu penses, c'est pas ce qui va se passer après, c'est pas ce qui se passe, c'est genre juste « putain, je suis en vie, merde ». Ouais, c'est la puissance. On voit beaucoup d'émotions déjà quand tu évoques ça. C'est quelque chose qui t'a forgé finalement, cette force que tu as dû trouver, que tu as dû puiser pour faire ça. Qu'est-ce que ça crée en toi aujourd'hui? Je sais pas si je peux appeler ça de la force. Moi, c'était le seul moyen de survie en fait. C'était ma mort personnelle ou la mort de. Ou la mort de mes. D'autres choses en fait. Quand on arrive face à un choix pareil, on se laisse pas le choix, il faut avancer en fait. Il faut se dire, je prends le portail qui fait 3 mètres de haut, je grimpe par-dessus et puis je traverse. Et je sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, on sait jamais ce qui nous attend. Et c'est tout, on n'imagine même pas, on cherche pas à comprendre, on fait. Et donc toi, tu parlais d'être parti, tout simplement, tu es parti loin. Il me semble que t'as pas mal voyagé d'ailleurs au cours de ta vie, que t'as vécu dans différents endroits. Est-ce que ça t'a permis aussi une ouverture de culture qui t'a permis de t'assumer en quelque sorte? Est-ce que ça t'a permis de te découvrir aussi? Alors c'est très étrange parce que moi les moments où j'ai déménagé le plus c'était avec mon père qui est militaire parce qu'on est du coup muté tous les 3-4 ans. J'ai donc vécu à Dakar au Sénégal, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Berlin, j'ai vécu à plusieurs endroits dans la France. Ouais, on est ouvert d'esprit. On découvre d'autres cultures, on découvre d'autres pensées, on comprend, on déconstruit. Enfin, moi, la première fois qu'il y a un truc qui m'a choqué chez ma mère, on était en voiture à Dakar, on rentrait d'un petit périple en voiture, on se fait arrêter par un policier, on a une grosse voiture blanche, avec 6 blancs à l'intérieur. Oh, forcément, le blanc, il représente de l'argent là-bas, et c'est totalement normal. Donc du coup, le premier truc qui arrive, ben, c'est que tu te fais arrêter et tu te fais contrôler. Et pour te faire passer plus vite, ben, même si t'as pas de soucis, ben, tu donnes le petit billet. Moi, je vois pas le problème avec ça. En soi, enfin, les années de colonisation derrière, ça a été des horreurs pour eux et une souffrance inexprimable. Et ma mère, je l'entends, « Ah, c'est du racisme anti-blanc. » Et alors, en fait, c'est, je pense, la première fois où j'ai compris que c'était pas possible, en fait. Et que j'ai pas accepté cette parole-là de mes parents et que j'ai commencé à les remettre en question. Et du coup, quand t'as décidé de les quitter, t'es parti dans une ville en particulier, peut-être Alors, je suis retourné faire ma prépa, donc il me manquait un an. La plus grosse difficulté, c'est de se dire, bah, en fait, on n'a pas d'aide. C'est-à-dire qu'on a... J'avais 17 ans et demi. J'avais pas d'aide, en fait. C'est-à-dire que c'était soit j'allais dans un refuge ou quelque part, soit je me battais pour faire mes études. Ce que j'ai fait, grâce à la bourse, parce qu'il faut quand même le dire, on a quand même une chance d'avoir un état où on a la bourse et on peut être aidé. C'est pas suffisant, clairement. Et on va pas forcément voir les assistantes sociales non plus, parce que... Non mais c'est ma vie, c'est pas grave, enfin, ça arrive à plein d'autres. En fait, on se met pas dans la perspective que ça arrive à d'autres personnes. On se dit ça arrive que dans les films, et puis en fait quand ça arrive à soi, bah tu dis putain super, je suis le héros d'un film, sauf que c'est le film le plus dramatique de ma vie et c'est super chouette quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui ce que tu es? Il me semble qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit devant ce micro. Alors en fait qui je suis drag queen, je m'appelle Emily Tante la nuit. Principalement. Et donc, et militante pour le militantisme, évidemment. Pour crier un peu partout ma colère et mon mécontentement face à ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé. Et voilà. Et donc, comment tu en es arrivé à devenir drag queen? Parce que c'est pas quelque chose... On en voit de plus en plus... Enfin, les drag queens sont de plus en plus médiatisés, notamment avec des shows comme RuPaul's ou... Enfin, des gros shows, mais comment on devient drag queen? Qu'est-ce qui te passe par la tête au moment où tu te lances? Qu'est-ce que c'est finalement que d'être drag queen et de le devenir? Je pense que je vais reprendre un peu ce que Edith Préteau dit dans « Tu seras viril, mon kid ». En fait, c'est la parole que t'entends depuis que t'es tout petit quand t'as tes fils de militaire. Je jouais pas au foot, je jouais un peu à la Barbie, j'étais caché dans ma bibliothèque, j'étais vraiment à l'inverse de la virilité attendue du père, en fait. Et en fait, tu remets en question cette virilité et ces codes du genre. Tu finis par t'intéresser à ce que c'est que l'étude du genre, à savoir ce que c'est, à comprendre en fait, que t'as pas à être un homme ou une femme, t'as pas à accepter des rôles sociaux qu'on t'impose ou à représenter ce qu'on appelle le phallocrate bien imposé, bien sympathique, etc. Ou à représenter la petite dame à la maison, quoi. Non, en fait, t'as pas à accepter ces rôles-là. Et en fait... J'ai rencontré une ancienne troupe qui s'est arrêtée maintenant, il y a quelques temps, les Paillettes. J'ai rencontré ce qui allait devenir ma sœur drag queen, Enza Fragola. J'ai rencontré des drag queens, en fait, et je me suis déconstruit au fur et à mesure, en fait. Et donc, aujourd'hui, tu es une drag queen qui commence à être reconnue, qui commence à faire parler d'elle. Y a une raison pour laquelle tu fais parler de toi aujourd'hui ? Je pense que c'est que je suis éminemment politique et principalement politique et pour toujours politique. Et est-ce que le fait d'être une queen politique, ça a aujourd'hui un impact sur les performances que tu fais? Comment c'est perçu par le public ou par les personnes qui t'entourent, les autres dragues notamment? C'est très compliqué, c'est-à-dire que... Ce qui me fait très très rire dans la communauté drag actuellement, c'est qu'on dit que porter des talons et mettre une perruque, c'est politique. C'est plus politique. Ça l'était dans les années 60 quand il y a eu Stonewall. Ça l'est plus en fait. Là maintenant, les gars, faut juste parler. On a juste besoin d'être entendu. On a pour une fois la parole qui se répand. On peut être vu. On a la médiatisation. Il suffit plus de porter des talons et des wigs et mettre du padding pour être heureuse et pour dire ouais, je suis politique. Non. Il y a un moment, faut que tu ouvres ta gueule, que tu te dises ça non, je l'accepte pas, ça je l'accepte. Et puis en fait, quand il y a eu la loi sur l'immigration, enfin on voit les résultats actuellement. Merci Macron d'ailleurs. Maintenant, les séropositifs se font renvoyer chez eux encore plus qu'avant. Merci Macron. Maintenant, le fait d'être homosexuel va falloir encore le prouver, alors que ça n'a pas à se prouver en fait. Merci Macron parce qu'en fait, finalement, tu nous as fait un petit mur entre la Méditerranée et la France. Voilà, on parle de Trump des années de super loin, sauf qu'il suffit de regarder notre Justin Trudeau à la française, et en fait on remarque que c'est la même chose, c'est même pire. On nous supprime des droits pour manifester, maintenant si on est un peu dérangeant ou un peu inquiétant, on va nous mettre l'interdiction de manifester. Merci la loi anti-cassard. Enfin, moi je peux pas l'accepter. Donc forcément j'ouvre ma gueule et j'en fais des performances. J'en ai fait une de mes performances à la Peep My Queer en octobre sur l'immigration. Là j'en ai fait une sur la matrice patriarcale. Enfin, il y a un moment, ben non, je peux pas laisser les choses couler telles qu'elles sont. Donc justement tout cet aspect militant, parce que ça crée en fait ton personnage, les queens autour de toi, elles le perçoivent comment? C'est drôle parce que il y en a qui le perçoivent très bien. Je pense à ma maman drag queen qui m'a poussé vraiment avec mon personnage, avec qui je suis. Je pense à Enza Fragola qui m'a vraiment aussi poussé. Mamita et Enza ont été vraiment des supports dans cette période-là pour m'aider à m'exprimer et créer qui j'étais. Et vraiment pousser au maximum ce que je voulais faire. Mais il y a eu d'autres drag queens. Il y a eu Clémence Tru aussi qui est une queen à barbe avec Poulette Savakiki. Voilà, c'est un peu dur parce que c'est un jeu de mots et tout ça. C'est toujours très très compliqué les drag queens. Et en fait, il y a eu ces drag queens là qui te disent, bah en fait, t'as un truc à dire, bah t'as qu'à l'ouvrir et t'as qu'à le faire. Et ça, c'est hyper important. Ce qu'elles perçoivent pas, la plupart des jeunes queens, c'est qu'en fait, la première personne qui nous a fait avoir Stonewall, c'est une personne noire, trans, drag queen, qui s'est battue et qui a tabassé un policier. À partir de ce moment-là, c'est juste un hommage, et c'est même juste accepter de dire qu'une drag queen n'a pas à être belle. Elle a à dire quelque chose, en fait. Et ce que je reproche à RuPaul, c'est que l'uniformisation et le côté mainstream de la drag queen, il représente pas ce que c'est dans les bars, il représente pas ce que c'est dans la vie de tous les jours, il sait pas ce que ça veut dire. Elles sont bien mignonnes, elles arrivent toutes en taxi, elles arrivent toutes en Uber. C'est mon cas aussi. Moi, je vois Enza Fragola qui prend le métro depuis Villejuif, qui rentre jusqu'à 6h du matin en prenant le Noctilien. Je suis désolé, mais ça, c'est politique. C'est prendre le métro... Quand il y a du monde, c'est prendre le risque de se faire tabasser pour dire « Ouais, j'existe et j'en ai rien à foutre. » Ça, c'est politique. C'est pas se cacher. C'est pas ne faire être que belle. Oui, on peut être très belle et c'est important aussi de montrer que la drag queen est belle. C'est important de montrer tous les aspects du drag. C'est important de montrer que c'est de l'art. Mais c'est aussi important de laisser le politique là où il est. Et alors déjà, première question. Est-ce que tu te sens belle quand t'es drag queen ? C'est compliqué, tu sais, quand je me peins une moustache de paillettes sur la gueule, que je m'amuse à me faire un mono-sourcil, que je m'amuse à exhiber mes poils sur mon torse ou mes sous-bras ou garder mes jambes sans collant. C'est difficile de considérer que je suis un canon de beauté à ce moment-là. Je suis pas un canon de beauté. C'est combien d'heures de travail ? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est juste du maquillage ou est-ce qu'on parle juste de tout l'ensemble ? Une performance en moyenne, c'est pour moi une journée de travail à écrire. C'est-à-dire que c'est chercher la référence, c'est chercher la musique, ça va être chercher les morceaux de discours, ça va être chercher ce que je veux dire. Après, j'ai toutes les étapes du costume. Moi, j'en fais pas, mais Enza Fragola qui en fait, ça fait une à deux semaines de temps de passer sur un costume. Et il y a deux à trois heures de maquillage, et puis l'arrivée, la préparation qui va avec, quoi. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, quand tu te prépares, tu te dis quoi à chaque fois ? C'est ton moment où tu te fais ton petit empowerment et tu y vas à fond et tu dis que tu vas tout défoncer ou au contraire tu te dis qu'est-ce que je fais, bordel. Je pense que c'est le moment où il y a toutes les insécurités qui ressortent. Ouais. Parce qu'en fait finalement, c'est pas moi sur cette scène qu'on voit, c'est les militantes. Et derrière les militantes, il y a Pierre, il a ses insécurités. Et en fait, ce que j'aime dans le drag, c'est de pouvoir grimper par-dessus ces insécurités, les afficher pleinement, me jouer avec et dire bah en fait finalement je les accepte pas. Et donc du coup, peut-être que le moment où je me maquille, c'est le moment où j'ai besoin d'être le plus concentré et le plus avec moi-même parce que c'est le moment où je me recentre autour de tout ce qui est ce que je suis et ce qui est militante. Et donc quand après tu sors, que tu es en drag, t'es flamboyante, enfin plus ou moins, et que tu te retrouves dans des soirées, que tu te retrouves en boîte, l'accueil du public, c'est quoi ? Enfin, comment tu te retrouves face au public Ça dépend de quel public. Au Pimp My Queer, là où j'étais vendredi soir, la première soirée où j'ai bossé, c'est tout de suite, t'es magnifique, c'est beau ce que tu fais. Ah, j'adore la référence à Simone de Beauvoir où oh putain, ce que tu fais, ce que t'apportes, ce que tu dis, c'est hyper fort. Merci d'avoir pensé au défi, de faire défiler Act Up à ce moment-là avec des pancartes. Ou mais parce qu'on est dans un espace queer, on est dans un espace safe. Je suis pas une queen qui apprécie tant ça les espaces safe. J'aime bien aller en dehors. Et donc du coup, quand je vais à une autre soirée dont je vais pas donner les noms et qu'on va te dire ouais mais t'es pas belle, ah t'aurais dû faire ça comme ça, ouais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi tu portes une moustache, ou alors qu'est-ce qui fait que tu veux pas raser tes poils, pourquoi tu mets pas de collant. Et en fait c'est à ce moment-là que tu as ton message de politique qui se passe. C'est pas dans l'espace queer où il est hyper bien reçu, l'important c'est qu'il aille de dehors en fait, pas que tu restes dans le vase clos, sinon on en sort jamais. Et donc toi du coup le plus intéressant pour toi, enfin le plus important pour toi finalement, c'est même pas d'aller forcément dans les soirées queer comme tu le disais, c'est de t'ouvrir aux autres. Ça a été compliqué pour toi de t'ouvrir à ces gens-là? Alors moi, on m'a toujours dit que j'étais une queen très moche. Donc en fait, quand tu sais que t'es moche, et qu'on te le répète tout le temps, t'as plus un problème à entendre que t'es moche. Et en fait, ce que tu t'amuses juste à faire, c'est « Je suis moche, pourquoi ?» Et quand on te dit « Ouais, parce que t'as des poils », tu dis « Oui, mais attends. La femme a des poils, elle les rase parce qu'elle est obligée de les raser. Est-ce que tu penses que si une femme avait des poils, ça te dérangerait ?» Pourquoi ça te dérange en fait? Qu'est-ce qui te gêne là-dedans? Et c'est là où on arrive à toute la construction du genre et la construction de l'humain. Et donc du coup, c'est là où les gens finalement arrêtent de se poser des questions et de dire que t'es moche et commencent à dire genre ah mais pourquoi je pense ça? Et qu'est-ce qui fait que je pense ça? Et du coup, t'actives quelque chose un peu comme un défibrillateur, tu rallumes quelqu'un en fait. Et là, tu parlais tout à l'heure d'un défilé que t'as fait avec Act Up. Ouais. Enfin, où t'as fait défiler des pancartes d'Act Up, d'ailleurs, à la Pimp My Queer. Il me semble que t'as dû motiver les queens qui étaient avec toi ce jour-là. Ça s'est passé comment? C'est très drôle parce qu'en fait, elles s'attendaient pas du tout à ce que je leur propose. Et elles s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça, en fait. C'est-à-dire que je co-organise la soirée avec Cybelle et avec le KLIF, qui est donc une association LGBT. Étudiante, et moi je m'occupe principalement des drag queens, du temps avec elles, etc., de voir comment ça se passe, parce que c'est principalement des baby queens. Donc des baby queens, c'est celles qui ont commencé il y a un an ou moins, et qui n'ont pas encore fait le dragathon, ou qui ne sont pas encore réellement arrivées au point d'être connues comme une drag queen. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, elles s'étaient hyper motivées, mais sur le moment, elles se sont posées la question de pourquoi on le fait. En fait, le pourquoi où on doit le faire, ça dure une seconde. Et en fait, après, elles comprennent l'impact que ça a et l'importance de le faire. Tu n'as même pas besoin de leur répondre vraiment. Tu leur dis juste, ben, c'est important. C'est encore un combat tous les jours. Il y en a qui sont morts pour nous. Faut qu'on continue. On est un peu... On n'a pas de centre d'archives à Paris. Les drag queens sont un peu ces archives-là qui transmettent le flambeau d'une drag queen à une autre et qui transmettent un peu tout ce qui arrive d'une drag queen à un personnage à une autre. C'est un peu notre centre LGBT à nous, en fait. C'est un centre LGBT qui fonctionne cette fois, visiblement. Ouais, visiblement, c'est celui-là qui fonctionne le mieux, parce qu'il y a une vraie tradition, il y a un vrai passage, il y a une vraie culture de la transmission. Parce qu'on n'a pas d'espace réellement à Paris ou en France pour se retrouver et parler de notre histoire. Enfin, moi, mon histoire sur le VIH et le SIDA, je l'ai appris en CM2, et la seule chose qu'on m'a dit, c'était « Waouh, faites attention, hein !» Même une goutte de sang, ça peut vous contaminer. Wow, les gars, enfin... Stop! Come on! Éduquez-vous! Sauf que comment on peut t'éduquer si t'as pas d'espace pour t'éduquer? Qu'est-ce qu'on peut te dire, genre, à part... excuse-moi, mais en quatrième, quand on t'apprend l'éducation... Non, on va t'apprendre la reproduction, on va pas t'apprendre l'éducation sexuelle, on va reprendre les bases là comme ça. Ben ouais, mais du coup, comment ça se passe pour les autres qui sont pas dans la norme? Ben tu sais pas, en fait. Donc t'as du porno, ouais, ok, cool. Pas vraiment aidant, hein. Je vous assure que... Première fois, c'est pas top. Et puis en fait, parce que tu fais des rencontres, parce que tu partages avec d'autres gens, bah là, il y a quelque chose qui se passe. Et là, t'apprends, en fait. Et là, il y a une... Ce qui me fait très doucement... Enfin, ce qui me fait souvent penser à la société au Sénégal, c'est que les drag queens, c'est un peu les griottes françaises ou les griottes européennes. Une griotte, c'est une conteuse ou un conteur qui parle avec un instrument de musique et qui transmet les histoires et les contes. Et en fait... Je me sens à la fois un griot à la française, une drag queen, quoi. Et je me sens aussi comme un pasteur, très étrangement, par rapport à mes parents. Parce que finalement, j'apporte quelque chose, un message d'amour, un message de paix et un truc politique. Finalement, est-ce que la religion, c'est pas un message d'amour, de paix et de politique? Enfin, c'est un peu la même chose. Enfin, quand on lit la Bible, excuse-moi, hein, guerre, sang, sexe. Ouais, bonjour dans Game of Thrones. Hein. et pour clôturer. Bravo. Pour, c'est un vrai lien. Pour. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, en fin de compte, avec ton parcours, t'as réussi à créer une communauté de destin et d'objectifs qui te permet de surmonter quand même des. Et que ça continue, il faut continuer à se battre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu arrives à un certain niveau, entre guillemets, d'acceptation de toi, et que le regard de l'autre ne te détruit plus, qu'il ne va pas, dans 2 ans, dans 3 ans, bah, tu vas subir des chocs, etc. Et qu'il faut. C'est toujours un perpétuel combat pour s'assumer, en fin de compte. Oui. Et en même temps, en fait, on n'est jamais seul dans ces combats-là. On se retrouve facilement avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on, comme on discute beaucoup, on kiki, comme elles disent, donc on partage le thé, on partage des moments ensemble, on discute, ben, en fait, t'es jamais vraiment seul. À partir du moment où tu demandes de l'aide, t'es jamais seul. Et je pense que le Pierre, qui avait 17 ans et demi, il aurait besoin de savoir ça un peu plus. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, au Pierre de 17 ans et demi? Oh girl, that's a bitch way. Good luck. Et il y a un gamin qui est un petit peu en perdition, tu dirais quoi? Qui sait pas se reconnaître parce que les standards de la société, tout ce qui lui est imposé, ça lui ressemble pas et qui a pas accès, parce que finalement dans le monde parisien on a accès à plein de choses. Pas assez encore, mais y a accès à plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais au mec qui est au fin fond de sa province et qui a besoin en fait d'être un petit peu soutenu? Écris à une militante. Déjà, clairement, je serais là pour répondre. Mais deuxièmement, genre la période la plus difficile que tu passes, c'est la chose qui te rendra le plus fort et le plus humain possible en fait. Et dans une société où on nous demande de pas de montrer nos sentiments, de pas montrer qui on est et nos émotions, fais l'inverse. Fais l'inverse parce que finalement, t'auras le plus bel impact auprès des gens qu'en passant par de l'émotion, du sentiment et en partageant ce que tu vis en fait. Et il y a pas de douleur suffisamment assez forte. Enfin, toutes les douleurs comptent et il y a pas une petite douleur plus grande qu'une autre. Tant que tu sens quelque chose, ben dis-le et partage-le quoi. Et si t'as besoin de partir, pars. Si t'as besoin de rester, reste. Si t'as besoin de t'enfermer, enferme-toi. Mais surtout, aime-toi. Parce que c'est comme ça que t'avances. Je te remercie pour ce témoignage qui était très poignant. Ouais, absolument. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve dans un instant pour parler d'un autre aspect militant et pas des moindres. A tout de suite. You guys are beautiful. You're all my brothers and sisters. I mean it, man. Thank you. gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress. On a ce soir avec nous Claire, Sadia et Charlotte. On avait envie d'inviter des personnes renseignées, concernées et victimes aussi d'une certaine manière de la loi Blanquer qui est arrivée récemment par surprise. Loi qui s'appelle la loi sur l'école de la confiance. Et donc j'invite nos invités à se présenter, hein, voilà, et après à présenter justement pour commencer cette réforme. D'accord. Bonsoir. Donc je m'appelle Claire, je suis professeure en lycée depuis une petite vingtaine d'années et mobilisée depuis quelques semaines effectivement contre cette réforme Blanquer. Voilà. Moi je m'appelle Sadia, je suis professeure en lycée aussi, mais depuis nettement plus longtemps. Et je suis mobilisée contre la loi Blanquer, bien entendu, qui s'appelle l'école de la confiance, mais qui porte très mal son nom. Bonsoir, moi je m'appelle Charlotte, je suis professeure en lycée depuis 5 ans environ, et avant j'étais prof en collège, donc ça fait 25 ans que je pratique l'éducation nationale. D'accord, bienvenue à toutes. Merci. Pour commencer, pour expliquer à nos auditeurs qui, avec la masse d'informations que chacun reçoit aujourd'hui, voilà, comment on pourrait lui expliquer cette loi, comment elle est arrivée, le petit historique, hein, et son contenu surtout. Alors en fait, d'historique, justement, je pense que le gros problème, pas seulement pour les auditeurs, mais aussi pour les parents, les élèves et beaucoup, beaucoup pour nous, c'est qu'il n'y a pas eu d'historique. C'est-à-dire qu'il y a eu l'an passé le changement d'AffelNet, qui est la plateforme d'orientation des élèves, et qui s'est transformée en Parcoursup. Et puis là-dessus, on nous a balancé tout de suite la réforme Blanquer, la réforme du lycée, la réforme du bac. Et ça a été extrêmement soudain, ce qui fait que personne, ni les professeurs, ni les parents, ni les élèves, ni même les syndicats, et pas non plus les chefs d'établissement, ne savaient de quoi il s'agissait. On est en train de découvrir ce qui se passe, ce qui va se passer à la rentrée prochaine. Donc c'est le gouvernement, le cabinet ministériel qui a fait ça dans ses bureaux parisiens. Aucune concertation, oui. Rien derrière, aucune information. Alors, on ne peut pas dire vraiment aucune concertation, parce qu'il y a une espèce de masque de concertation, un leurre absolu, c'est-à-dire qu'on nous a demandé, par exemple, de donner notre avis sur les programmes. Donc, très consciencieusement, les professeurs sont allés donner leur avis sur les programmes, mais ça n'a eu strictement aucun effet. C'est-à-dire qu'à la suite de ça, on n'a pas changé une virgule au programme, alors qu'on était quand même à même de donner notre avis sur les changements. Et ce qui est frappant, c'est que les associations de professeurs par discipline se sont toutes élevées contre ces changements et que ça n'a eu strictement aucun effet. Donc, c'est une fausse concertation, mais on en a un peu l'habitude. Oui, c'est dans pas nouveau lignée, ça. C'est oui. Dans la lignée de plusieurs années, ça arrive comme ça par surprise, comme un boulet. Voilà. Un peu comme le grand débat, là, il y a voilà. Et puis ils ont fait ça aussi. Ils ont fait ça aussi il y a quelques années pour la réforme du collège. Ça s'est passé exactement de la même façon. Voilà, fausse consultation des profs. On vous met en équipe de travail, vous travaillez. En fait, au final, ça fait, je sais pas, 4-5 ans, je connais plein de gens qui sont profs en collège et ils gèrent même plus la pénurie, quoi. Enfin, c'est matière contre matière, qui va avoir des demi-groupes, qui va pas en avoir. On peut pas faire de l'espagnol à 35, on peut pas faire... Voilà, c'est ça. Et ils ont déjà donc expérimenté ça en collège. C'est passé en force. Il y a eu une mobilisation, mais qui n'a pas réussi à faire tomber la réforme. Et aujourd'hui, ils nous refont le coup en lycée. Voilà. D'accord. Ça, on va l'expliquer après par rapport au système de... Est-ce que vous pouvez expliquer donc le contenu, les grands points ou même petits points qui auraient des conséquences positives ou négatives, j'imagine? Moi, je veux bien. Enfin, c'est certain qu'on n'est pas contre l'idée d'une réforme. Hein. Quand on en discute entre nous, il y a des choses qu'il faut changer au bout d'un moment, c'est vrai. Là, c'est une réforme de fond. C'est peut-être aussi pour ça que depuis janvier, février, il y a un mouvement qui s'amplifie. À Paris, on est un petit peu en retard, comme ça arrive parfois. Mais voilà, ça commence aussi à se voir dans de nombreux établissements. Et c'est une réforme qui touche, en fait... à beaucoup de choses en même temps. Donc voilà, comme tu le disais, Charlotte, tout à l'heure, les informations, elles arrivent au compte-gouttes. Donc nous, on est un petit peu pris de court souvent parce qu'on est aussi dans le quotidien du lycée, dans le quotidien du travail. Et on décrypte peu à peu. Depuis que la loi passe à l'Assemblée nationale, donc effectivement, depuis début février, on a des informations tous les jours. Voilà, on décrypte beaucoup mieux aussi ce qui est en train de se passer. L'article 1, par exemple, a été très commenté sur l'école de la confiance, justement, et puis la place des enseignants, le droit d'expression. Enfin, on peut en reparler tout à l'heure aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a tout un agencement nouveau des acteurs du monde scolaire qui est en train de se mettre en place. Alors, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on voit que... c'est pas seulement notre métier qui va évoluer, c'est aussi la place des élèves dans les établissements, la façon dont on pourra s'en occuper. Et on se rend compte qu'on va très très vite manquer de moyens, manquer de temps et être enfermé en fait dans un mode de fonctionnement qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, toutes les informations. Et un mode de fonctionnement qui n'est pas rassurant, contrairement à ce qui est annoncé dans la politique de communication du ministère qui est vraiment construite autour de concepts comme la liberté de choix pour les élèves, une plus grande spécialisation à partir de la première, des objectifs de personnalisation du projet de l'élève, qu'on n'arrivera pas à mettre en place parce qu'on n'a pas les heures et les moyens concrets comme pour le faire. Comme d'habitude, la forme, les mots ont été très bien étudiés. Hein, parce que là, je vous écoute. Ouais, ouais, ouais. Là, c'était que des beaux mots, très arrondis, très doux. Mais moi, ce que j'en ai lu, c'est qu'il y a surtout un regroupement de classes. Regroupement, c'est joli comme ça, mais derrière, avec des suppressions de classes, suppressions de postes de professeurs, postes de directeurs, etc. Et énormément en province, si également. On parle de dizaines de milliers. Hein, alors, il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées que nous. Et si on fait une comparaison, nous, on suit depuis quelque temps ce qui se passe à Paris et puis en banlieue. Il y a déjà de grosses différences entre Paris et la banlieue proche. Les établissements de banlieue sont souvent très touchés par la baisse des moyens. En fait, ce qui a fait que le mouvement s'amplifie actuellement, c'est que ce qu'on appelle les DHG, donc les dotations horaires globales pour l'année à venir, sont tombées dans les établissements. Et donc, on a vu quels établissements étaient encore un peu sauvegardées, voilà, dans cette réforme, et puis quels établissements perdaient 8 postes, 10 postes, 160 heures de cours pour l'année prochaine. La discrimination, enfin, il y a une démographie, j'imagine, comment est cette discrimination entre les écoles ? Alors, nous, on constate que les établissements collèges et lycées les plus touchés sont souvent les établissements qui sont déjà défavorisés, voilà, qui ont déjà de gros soucis à régler. À Paris, par exemple, on en parlait tout à l'heure, les établissements centraux sont parfois en lutte aussi, mais ont des dotations horaires qui n'ont pas tellement bougé. Voilà. Alors que d'autres qui ont besoin d'avoir des petits effectifs, d'avoir du temps pour travailler en demi-groupe avec leurs élèves, perdent énormément d'heures et de postes. Voilà. Donc, où, village, ville, petite ville. Là, je parlais pour la situation à l'intérieur de Paris. Ah, voilà. De Paris, hein. En banlieue, il y a des établissements qui sont dans des situations difficiles et qui vont régulièrement au rectorat, qui font des grèves reconductibles parce qu'on leur prend beaucoup d'heures. Voilà. D'accord. Et simplement pour ajouter quelque chose sur la France entière, ceux qui sont aussi, qui vont beaucoup pâtir de cette réforme, c'est ce qu'on appelle la ruralité, la province, comme vous voulez. Parce que, par exemple, pour mon cas, quand j'étais au lycée, j'avais le choix entre S, L ou ES. Et j'aurais voulu faire une option artistique. Ça n'existait pas. Bon, c'est pas grave. J'en ai fait après. Aujourd'hui, dans l'endroit où j'étais, puisque je viens de province. Aujourd'hui, pour pouvoir faire une option artistique, il va falloir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que ça complique encore. Et on réduit les heures, on enlève des profs, etc. Et donc, ça va extrêmement aussi défavoriser les gens qui habitent dans des villages ou dans des petites villes. Donc là, ce qu'il y a derrière, c'est que dans la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus ES, S et L, c'est qu'il y a 7 à 8 spécialités. Est-ce que vous pouvez nommer ces spécialités et qu'est-ce qu'il y a derrière qui va pas fonctionner, quoi ? Oui, alors dans les spécialités, il y a la spécialité mathématiques, parce qu'il faut savoir qu'une des grandes idées de cette réforme, c'est de supprimer les mathématiques du tronc commun. C'est-à-dire qu'un élève qui n'aura pas pris cette spécialité à partir de la seconde n'entendra plus jamais de sa vie parler de mathématiques, ce qui peut quand même être très inquiétant et ce qui inquiète les parents. Donc, et nous aussi. Donc il y a la spécialité mathématique, mais qui est une spécialité d'un niveau élevé, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la S actuelle, donc un niveau difficile en mathématiques. Il y a la spécialité physique, la spécialité SVT. Il y a une spécialité langue vivante qui est l'équivalent des langues vivantes renforcées, d'une langue vivante renforcée. Il y a la spécialité qui s'intitule histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Il y a la spécialité humanité, littérature et philosophie, qui est un mélange de littérature et de philosophie qui fait perdre à la philosophie sa spécificité, puisqu'elle devient, grosso modo, une histoire des idées et non plus une réflexion sur les concepts. Il y a littérature, langue et culture de l'Antiquité, mais qui sera visiblement enseignée dans très très peu d'établissements, alors que les options de langues anciennes demeurent, mais pas en tant que spécialité. Dans la plupart des établissements, on n'aura pas cette spécialité. Il y a une spécialité montante qui plaît beaucoup, qui s'intitule numérique et sciences informatiques. Je crois que j'ai tout dit. Alors, il y a SVT, sciences de la vie et de la terre. Sciences de l'ingénieur dans quelques lycées et sciences économiques et sociales qui correspond à ce que faisaient les ES traditionnellement. J'ajoute, il y a aussi, en fait, justement, j'y reviens, les spécialités art qui concernent la musique, le théâtre, l'enseignement de la musique, du théâtre, du cinéma, des arts plastiques, qui est déjà assez rare. Hein, bien sûr, c'est pas dans tous les lycées qu'on peut apprendre ça en tant qu'élève, mais ça, ça va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Oui. Parce que le choix des élèves c'est que de 3 spécialités, voilà. Sur tout ça, voilà. Maximum. Voilà, sur les 8-10 qu'on vient de vous citer, voilà. L'élève en choisira 3. Pour la première, et en terminale, il doit en abandonner une. Donc, il va se retrouver avec 2 spécialités en terminale, ce qui pose d'énormes problèmes pour les études supérieures. Parce qu'actuellement, les enseignants à l'université commencent à prendre conscience aussi de ce problème. En fonction de leurs attentes, ça va être extrêmement compliqué de dire à un élève, voilà, quelle spécialité vous devez abandonner si vous voulez faire médecine, physique appliquée ou je ne sais quoi. Vous voyez, donc ça pose d'énormes problèmes qui surtout n'ont pas été pensés. On a l'impression que ça a été fait d'une manière sans doute obéissant à une logique économique, financière, et pas du tout une logique vraiment pédagogique, ni, je dirais au sens plus large, intellectuelle. Enfin, et d'ouverture. Et d'ouverture. Ça dit qu'il y a des trucs inutiles. Voilà. Et moi, je précise, je ne suis pas du tout professeure de mathématiques. Je suis une littéraire. Mais ça me scandalise de penser que les mathématiques sortent du tronc commun. Et que... toute cette logique, cette formation intellectuelle va disparaître pour beaucoup, beaucoup de gens. Moi, je suis, par exemple, pas non plus une scientifique, mais j'ai fait un bac scientifique pour terminer professeur d'humanité, on va dire. Le nouveau mot à la mode, c'est-à-dire français, philo, etc. Le souci qu'on a aussi pour nos élèves par rapport au choix des spécialités, c'est qu'on nous a annoncé que les élèves avaient justement le choix, qu'il y avait une liberté de choix. Or, tous les établissements ne proposent pas toutes les spécialités. Donc, quand on se renseigne et qu'on pose la question, comment est-ce qu'on fait si on veut faire telle spécialité en première et qu'elle n'est pas ouverte dans l'établissement où on est affecté, on répond aux élèves que ce sera peut-être mutualisé. Donc, c'est ce que tu disais. Si on est effectivement dans un milieu rural ou une région où les lycées sont loin les uns des autres, on ne peut pas faire 40 km pour aller faire un cours le mercredi après-midi. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, la réponse, c'est dans les textes, le CNED, l'enseignement à distance. Ce qui a introduit de l'inégalité et puis aussi vis-à-vis une inégalité financière, vis-à-vis des familles, des élèves. Et on ne travaille pas du tout dans cette optique-là quand une réforme doit offrir le choix et la liberté aux élèves. Là, il y a vraiment... Il y a tromperie, en fait, dans l'annonce et la communication du ministère actuellement. On a aussi un gros problème qu'on a soulevé plusieurs fois dans nos établissements, c'est que les groupes classes donc, disparaissent à partir de la première, mais les spécialités ou les autres groupes pour le tronc commun des autres matières doivent comprendre 35 élèves. On a compris que la plupart des groupes seront à 35, sauf si on a des heures pour dédoubler, donc on pourra parler des heures de marge après, mais des groupes de 35, c'est quand même énorme. Il ne faut pas de langue, par exemple. Voilà, c'est pas évident partout. Même pour des classes qui travaillent bien, qui fonctionnent bien, c'est énorme. Et dans les établissements qui ont des besoins, en zone sensible, par exemple, on entend des collègues qui remontent l'idée qu'on leur a supprimé leurs heures de dédoublement et que les groupes qui étaient plafonnés à 30 vont passer à plus de 30 en zone sensible, par exemple, l'année prochaine. Voilà. Donc, on ne sera pas dans des conditions de travail, on va pouvoir bien épauler, encadrer, connaître les élèves aussi, tout simplement. Ça met en concurrence. Moi, je vois, je ne sais pas si c'est le mot, mais au niveau démographie, justement en zone rurale, où, dès la troisième, je pense des élèves vont aller à Clermont, à Lyon, vont partir pour avoir leur spécialité qu'ils veulent, pour ceux qui peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas vont prendre ce qui reste dans le lycée d'à côté. Enfin, ça va faire ça dès la troisième. Enfin, je sais pas. Parce qu'il y a des lycées qui n'ont que 4 ou 5. Oui, voilà, c'est ça aussi. À Paris, on n'est pas trop mal lotis. Paris, il y a des établissements très particuliers qui n'ont pas tout. Oui. Qui n'ont pas tout. Il y a des établissements parisiens qui n'ont pas les spécialités littéraires, humanité, par exemple. D'autres où on n'a pas ouvert les spécialités de langue. Donc, ça introduit déjà une inégalité rien qu'entre les arrondissements de Paris. Et puis, il y a un autre phénomène qui va introduire une inégalité territoriale, c'est le fait que le bac maintenant change. C'est pas seulement les études, c'est aussi le bac, et une bonne partie du bac passe en contrôle continu. Et la grande crainte, c'est qu'il y ait des bacs locaux, c'est-à-dire on a un diplôme qui a une certaine valeur, mais qui n'est absolument pas comparable à, par exemple, un diplôme de centre-ville parisien, d'un lycée de centre-ville parisien, parce que ce n'est plus un diplôme national. Et on sait très bien qu'à partir de là, un diplôme quoi ? Ça veut dire quoi, disons, ça ? Ce sera un diplôme qui sera censément national, qui aura le titre de diplôme national, mais étant donné qu'il aura été validé par les enseignants de l'élève dans son petit lycée, s'il est en province, évidemment, les facs, les classes prépa, etc., considéreront le dossier et verront que ça n'est pas... ne lui accorderont pas la même valeur que s'il vient d'un lycée de centre-ville. Oui, si vous venez de Paris. Si vous venez de je sais pas, moins de Castelferrus, vous avez moins de chances que si vous venez de Paris-Centre. Ça rajoute encore avec Parcoursup déjà. Voilà. Ça complique. Parce que à Castelferrus, il y aura 4 spécialités et à Paris-Centre, il y en aura 8. Oui. Voilà, et tu n'auras pas le choix, quoi. D'accord. Et alors, donc ils veulent mettre ça dès septembre ? Oui. C'est ça ? Et la loi est en première proposition, c'est ça, à l'Assemblée nationale au début du mois, c'est ça le... C'est en ce moment, là, c'est en cours. C'est en première... comment on appelle ça ? Premier jet, on va première dire. Première lecture à l'Assemblée, voilà, c'est ça. Première lecture, d'accord. Pour avoir le planning un peu en tête. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une mini-pause musicale et on reprend tout de suite ? Oui, volontiers. Hein, notre... Une mini pause musicale, notre technicien, une petite pause de 1 minute, voilà, pour respirer un petit peu, et on revient tout de suite. Grateful Stranger, 1, 2, 3, 4. De retour avec nos professeurs sur la loi sur l'école de la confiance, la réforme Blanquer, et on va parler maintenant justement des moyens d'action, de lutte contre cette réforme. Dites-moi tout, je vous écoute. Les moyens d'action, ils sont très diversifiés voilà, cette année. C'est vrai qu'on se pose souvent comme moyen d'action la question de la grève. On s'est rendu compte, quand on discute avec les collègues et puis aussi avec d'autres établissements, que on fait une journée de grève de temps en temps, on est de moins en moins nombreux, ça ne sert pas forcément à grand-chose, même si c'est très symbolique. Et on perd 100 euros. Voilà, on perd aussi 100 euros sur notre petit salaire. Et effectivement, on a choisi cette année d'autres moyens d'action qui sont plus parlants, qui sont aussi symboliques et qui ont une résonance là actuellement qui est bien visible. Voilà. Mmh. Alors, on peut parler de la situation parisienne que nous, on connaît bien. On a aussi beaucoup de retours d'académies qui sont très dynamiques, comme l'Académie de Toulouse aussi, qui ont mis des choses en place. Alors, à Toulouse, par exemple, il y a une grande partie des professeurs principaux qui ont démissionné de leur fonction de professeur principal. À Paris aussi, il y a des lycées qui ont choisi ce mode d'action-là. Certains lycées ont choisi de mettre 20 sur 20 leurs élèves sur les bulletins du deuxième trimestre. Voilà. D'autres à lycées tous les élèves sont... sur leur... Alors, à tous les élèves sur leur bulletin, ça va dépendre des lycées. Il y a certains lycées qui le font sur les secondes et les premières, voilà. On peut parler de Parcoursup, je ne sais pas si on aura assez de temps, mais c'est vrai que c'est aussi une autre problématique dans cette contestation. Et puis, y a d'autres façons aussi de faire. Des lycées qui sont très touchés par la réforme et la baisse d'heures, qui, eux, se mettent en grève reconductible. Voilà, ou qui, il y a aussi le refus de siéger en conseil de classe. Ouais, il y a aussi eu des nuits des lycées. Oui. Donc des occupations ou des tentatives d'occupation des salles de profs par les professeurs et éventuellement des parents d'élèves pour une nuit. En général, ça a tenu jusqu'à minuit. Et à partir de là, ils ont été mis dehors gentiment. Par qui j'ai vu une vidéo, non, il n'y a pas des CRS qui sont rentrés là dernièrement sur Internet. Je ne sais pas, j'ai pas vu la vidéo. Alors, je crois que ça s'est plutôt passé avec l'administration. D'abord, on a coupé le chauffage, donc comme il ne faisait pas très très chaud, je crois qu'il y a des professeurs qui ont décidé d'évacuer parce qu'ils n'avaient pas envie de tomber malade. Oui. Parce qu'ils aiment leur travail. Parce qu'ils aiment leur travail, ils n'auraient pas voulu être absents. Et voilà. L'occupation de jour, surtout, j'imagine. C'est la nuit des lycées, en fait, c'est un mouvement qui a été lancé. Ah. Et par exemple, à Paris, on a eu vent d'une nuit des lycées. Donc, à l'intérieur d'un lycée, ils avaient créé un hashtag « Entre profs motivés pour faire ça ». Et le lycée a été fermé ou évacué, je ne sais pas comment le dire, à 17h ou 18h. Tout le monde a été mis dehors par le proviseur. Je n'ai pas les détails précis. Je vous laisse mener l'enquête. Je ne dirai pas le nom du lycée parce que de toute façon, je ne m'en rappelle pas. Mais ce qui veut dire que c'était un hashtag qui avait été créé entre profs, quoi. Voilà, donc il y a eu une fuite, ça a fuité. Et je vais parler de occupation de jour. Il y en a aussi, j'imagine, puisque les cours, c'est la journée. Mais il n'y a pas d'occupation des lycées. C'est pas occupé. On continue à faire cours. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les lycéens se sont beaucoup mobilisés. Pour parler de Paris, parce que c'est ce que je connais le mieux, notamment dans le 20e. Et il y a eu quand même beaucoup de nassages et de la BAC qui était là, qui a gazé beaucoup. Et donc, maintenant, les lycéens ont quand même peur. Il faut vraiment le dire, avec tout ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont été blessés en manifestation, gilets jaunes ou autres. Et par conséquent, ils ont un peu la frousse. Oui. Et même des lycées où les lycéens étaient facilement, se mobilisaient facilement, bloquaient les lycées, etc., pour diverses raisons. Là, c'est le calme plat. Et effectivement, quand on parle avec eux, ils nous disent qu'ils ont peur. Des élèves. Hein, les élèves, oui, les lycéens. Parce qu'ils se bloquent dans la rue et du coup, ils se lèvent à 5h, ils viennent mettre les poubelles. Il y a quelques mois, début d'année dernière, c'était pas... Encore il y a 2 mois, en janvier peut-être, il y a eu encore des blocus à Paris. Et là, il y a eu la BAC qui était là et qui a... Enfin, moi, j'ai eu un témoignage d'une jeune fille de seconde qui, comme elle me l'a dit avec ses mots, a vu la gazeuse à 5 cm de sa joue. Et elle m'a dit, depuis, je fais des cauchemars et je ne fais plus de manif, quoi. Voilà. Il y a une politique, on le voit, depuis 2 mois, c'est de la terreur, vraiment. Sûrement des flashballs, sûrement des coups de matraque. Des coups de matraque, etc. Donc ça, c'est pour les élèves. Et donc pour les professeurs, là, aujourd'hui, on a tous ces modes d'action-là. Comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des dates également? Là, comment ça s'organise? Là, vous voulez dire par rapport au calendrier actuel? Et puis les modes d'action, qu'est-ce que... Les modes d'action, c'est... je pense que là, on est dans une dynamique où on cherche aussi à informer. Donc, il y a aussi beaucoup d'établissements qui rencontrent les parents pour expliquer ce qui se passe, pourquoi on a choisi tel ou tel mode d'action. Il y a un grand débat qui est organisé demain soir à l'AGK, rue de Charonne, dans le 11e, où là, il y a énormément d'organisations qui sont invitées. C'est à l'initiative d'un intercollectif d'enseignants, en fait, dans les lycées parisiens et d'Île-de-France. Il y aura normalement des organisations syndicales, la FCPE parents, aussi, ouais. Des parents, des enseignants, des élèves. Bon, l'idée, c'est vraiment de... Bon, le ministre a été convié aussi, mais voilà. L'idée, c'est vraiment aussi de communiquer avec, pour qu'il y ait un peu plus de résonance aussi au travers de ce qui se passe, parce que souvent, on nous dit, des parents, par exemple, on comprend qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas regardé en détail, qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants, voilà. Et nous aussi, c'est vrai qu'on peut le dire, on avance petit à petit, étape par étape, parce qu'on n'a pas toutes les informations, ou qu'on comprend quelques jours après telle ou telle annonce que ça aura telle implication dans 2-3 ans. Voilà. Donc ça, c'est important, ce travail d'information. Jeudi, il y a une journée de mobilisation avec un appel à la grève, une manifestation l'après-midi. Vous pouvez donner les infos qui part de... Je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus. Je n'ai pas vérifié. Tu sais, toi ? Non, je suis rigolée. Non, mais ça, on trouve ça sur Démosphère. Sur Démosphère, il y a tout. Il y a un rassemblement devant le ministère à 14h. Donc, c'est peut-être le début de la manifestation. Et il y a aussi un appel à blocus des lycéens jeudi matin. Et un appel à une quatrième nuit des lycées pour jeudi soir. Voilà. Donc très certainement, nous, on va arriver aux vacances scolaires à la fin de la semaine. Très certainement, ça reprendra sur Paris et sa région au mois de mars. Et puis, il y a d'autres académies qui vont prendre le relais à partir de lundi aussi. Voilà. Parce que la discussion autour des différents articles de la loi n'est pas terminée à l'Assemblée. Il y a des articles qui ont été plus longs à passer que d'autres. L'article 1, qui était très symbolique, hein, on a entendu... le débat autour des drapeaux dans les classes, de la Marseillaise, du terme de confiance aussi. Il y a aussi toute la réorganisation de la formation des professeurs qui est en train de changer. Donc là, on parle un petit peu pour nos chapelles à nous, mais c'est vrai que ça veut dire que les nouveaux professeurs qui arriveront ne seront pas formés de la même manière. Les assistants d'éducation vont avoir des missions aussi d'enseignement. Ce qui nous amène à penser aussi, quand on décortique un peu tout ça, que c'est une réforme qui est vraiment comptable, en fait, qui cherche à faire des économies sur le dos des établissements, sur le dos des élèves aussi, de leurs familles. Et qui supprime beaucoup de choses qui fonctionnaient, les dédoublements, les heures d'aide individualisées. Voilà. Ouais. Et ouvrir, on peut peut-être en parler, est-ce que ça ouvre pas le dans la tête des parents le marché du privé ? Si, pour les coins friqués, oui. Pour les parents qui ont l'argent, bien sûr que si. Tant qu'à faire, bien sûr, oui. Voilà, il y a ça derrière. Bien sûr. Après, tout le monde ne peut pas s'offrir le privé. Il nous reste 1 minute 30. Moi, je voulais juste, si vous voulez terminer, j'ai entendu parler d'une forme de loi répressive. Les profs ne pourront pas s'opposer à leur, à l'éducation nationale. Il y a une loi contre les profs. Vous ne pouvez pas informer sur Facebook, vous ne pouvez pas... Ouais. C'est ça ? Ouais, sur la liberté d'expression des professeurs, ouais. Oui. Mais même en dehors de leur classe. Et c'est pour ça que... devant nos classes, on sait qu'on a un devoir de réserve, en quelque sorte. Mais là, c'est quelque chose qui s'étend à la vie normale, quoi, en dehors des classes. Vous êtes obligé de si vous voulez avoir un regard critique sur ce qui se passe à l'école, vous avez un devoir de réserve à l'extérieur. Et en particulier auprès des médias. Donc, ce que nous faisons actuellement. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est un peu ce qui nous a décidé à venir là, parce que on tient à notre liberté d'expression en tant que citoyen. D'accord. Et en tant que prof aussi. Donc là, il y a une loi qui est passée, qui va passer ou qui est passée sur l'interdiction de manifester dans les faits. Où le préfet décidera, selon l'article 2, je crois, de la loi, il choisira si vous êtes un bon ou un mauvais manifestant. Oui. Et vous, en tant que salarié, puisque c'est de ça qu'il s'agit, cette liberté syndicale, ce droit à s'opposer, à faire grève, de fait est remis en question par rapport à un texte de loi comme ça ? C'est-à-dire que, oui, sur l'article 1 de la loi de la confiance, il y a une phrase qui a été discutée sur le respect mutuel entre institutions, enseignants, parents, élèves et tous les acteurs de la communauté scolaire. Ça peut être interprété dans de très nombreux sens et limiter la liberté d'expression des enseignants sur les réseaux ou à l'extérieur de leurs établissements. Oui. Je vous invite à un dernier mot, professeur. Ben, on ne lâchera pas. On ne lâche rien. On lâche rien ? On lâche rien. Allez, on lâche rien, on vous réinvitera avec plaisir pour en reparler. Il y aura un podcast demain qui pourrait être diffusé sur Internet. On passe la suite à notre technicien. Merci à toutes. Merci. Hey, t'es au fond près du jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, baby, put a nickel in for Maybelline. Jukebox, baby, drop another one for 17. Jukebox, baby, jukebox Saturday night. You tell me about a fréquence par intérieur. Bonjour, bonsoir, vous êtes au fond près du jukebox 106.3 FM, votre chronique culturelle, artistique, exposition et musique. Bonsoir tout le monde, heureux d'avoir autant d'invités à la radio ce soir, c'est un vrai plaisir. Nous n'avons pas pu être là la semaine dernière, mais je suis là ce soir, et ce soir c'est une petite chronique un petit peu particulière, car... notre chronique de ce soir parlera d'une aide financière qui est octroyée par la mairie de Paris, aidée de Frédéric Occard, notre adjoint à la maire chargé de la vie nocturne, qui vous propose 60 à 80 000 euros pour faire vos rénovations, pour que vous ne fermiez pas, pour faire vivre la musique. Vous l'aurez compris, ce soir je parle effectivement des bars et salles à concert qui ferment. Vous en connaissez au moins un de bar, j'entends, qui a fermé pour tapage nocturne ou réglementation... ambigu et franchement déloyal et complètement conne. Eh bien voilà, c'est le thème de ce soir. Je vais vous faire un petit sommaire. Sur Paris, nous avons 83 bars et salles à concert. Sur ces 83, j'entends par exemple La Cigale, l'Accor Hotel Arena, le Bataclan, voilà, des grosses salles. Mais là, en l'occurrence, ce soir, nous n'allons pas parler de cela. Et non, nous allons parler de nos petites salles à concert, nos petits bars, et d'une aide qui devrait venir les aider. Les aider pour leur rénovation, leurs travaux d'insonorisation et pour permettre aux voisins de bien aller se faire foutre. Il y a 33 bars et salles de concert à Paris. Il n'y en a que 11 qui peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes et c'est la limite de cette aide. Voilà, il y a plusieurs caractéristiques pour l'aide pour être éligible. Il n'y en a que 11 qui ont été retenus et 6 aides qui vont être offertes. Mais nous allons parler de Frédéric Occard, qui est l'adjoint à la maire chargé de la vie nocturne à Paris, qui nous dit « Ce n'est pas tous les jours qu'on peut débloquer autant d'argent public pour aider. Autant en profiter. 14 dossiers sérieux pour cette saison de fin 2018. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ou lire, il n'y a jamais eu de volonté d'exclure le rock hors de Paris. Cette musique fait partie de l'ADN de la ville, les lieux où il se joue sont vitaux. Ces scènes permettent à des amateurs de jouer et à des artistes d'éclore. Elles ramènent un véritable public fidèle, mais encore plus important, permettent de maintenir un lien social de proximité dans les quartiers de Paris. » Bah mec, tu m'étonnes. Il y a tellement de bars qui ferment et de salles à concert qu'en vrai, ça, dans 10 ans, ça va devenir un petit peu le capitalisme généralisé musical et contre-culturel. La musique, c'est censé ramener un petit peu à ce combat permanent qui est juste la liberté de faire. Créer, c'est résister. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça dans ma chronique ce soir. Donc, petit mensonge qui nous est écrit du Parisien, il y avait entre 400 et 500 salles qui étaient concernées à condition de remplir certains critères. Avoir plus d'un an d'existence, diffuser de la musique actuelle au moins une fois par semaine, générer des salaires pour les artistes et les techniciens. Les exploitants de ces petites salles estimaient à un nombre entre 400 et 500 dans la capitale. Entre guillemets, on est d'accord parce qu'il n'y en a pas autant. J'ai fait le compte moi-même, il n'y en a que 83. Il n'y en a que 33 qui peuvent accueillir 300 places. 11 qui ont été retenus. Donc là, 400 à 500 salles. Si tu mélanges bistrot et salle, mon gars, il y a un problème. Nous parlons d'une aide allant jusqu'à 80 000 euros pour des travaux de mise aux normes, jusqu'à 20 000 euros pour un projet de développement, formation personnelle, aide à l'acquisition d'outils de communication. Ils ont jusqu'au 23 novembre pour répondre à l'appel à projet de la ville. Donc là, effectivement, il est trop tard. Le truc assez drôle, c'est qu'il n'y a pas énormément de patrons qui sont au courant en fait, de cette aide. Et c'est pour ça que je le dis ouvertement à la radio. Allez à la mairie de Paris, allez demander cette aide parce que, les gars, on a besoin de vous. Faites bouger un petit peu Paris. La musique moderne et commerciale, c'est très bien. Enfin, quand j'entends commercial, vous m'aurez compris. Manque d'indépendance et de production originale, devrais-je plutôt dire. allez la demander parce que voilà, s'il vous plaît, tentez le truc. Voilà. C'est une année assez, enfin en tout cas l'année 2018 a été une année assez morose pour la scène underground. Et en gros, les 6 établissements qui recevront l'aide, le club, Charlie et sa bière à deux balles, la mécanique ondulatoire, le Nouveau Cosmos, la Pénichelle à la Main et l'Olympique Café. Donc voilà, ce sont les 6 bars qui vont recevoir cette aide. Il y a eu 37 projets d'investissement qui ont été soutenus apparemment, mais voilà, en gros c'était 755 000 euros qui ont été octroyés pour cette convention. Voilà. Du côté de l'Olympique Café, rue Léon, dans le 18e arrondissement, le programmateur Nicolas Jublot nous a dit « mieux vaut tard que jamais ». On va bénéficier de 60 000 euros qui vont servir à améliorer la sécurité de la salle, son insonorisation et son installation électrique pour permettre un meilleur accueil du public et des groupes. Ça va leur permettre de passer un cap. L'Olympique a une programmation à visée professionnelle. Et il a raison, c'est une super salle. Voilà, si vous ne connaissez pas l'Olympique Café, je vous invite à y aller. Vous y retrouvez de très beaux groupes, de très bons concerts. Allez-y, de très belles programmations à venir et en plus... voilà, ils vont refaire des travaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Frédéric Ocard nous a dit « Cette aide conséquente a justement un but à professionnaliser ces petites salles. Nous demandions des gages dans les critères du dossier de candidature, comme un engagement à rémunérer les artistes ou à se mettre en conformité avec la SACEM. L'idée, c'est de permettre une diversité culturelle et esthétique. C'est en général dans ces salles uniquement que se joue du rock, du métal et du punk. » Cela œuvre dans le sens d'une filière musicale qui ne se concentre pas dans la main de deux acteurs nord-américains qui font la pluie et le beau temps sur l'industrie live mondiale. Sans cette aide, c'était la mort à petit feu. On voit mal l'omniprésent Live Nation racheter la Mecca et encore. Toutefois, se demander quelle place sera alors laissée au do-it-yourself, qui caractérise aussi cette esthétique culturelle et dont la raison de vivre est aussi de se construire contre une quelconque professionnalisation. Frédéric nous a encore dit une fois, je le tutoie maintenant, hein, c'était la seule solution pour sortir du marasme. Félicité de cette volonté de soutenir les établissements parisiens qui font partie d'une chaîne qui commence par nous et peut, pour quelques artistes, se terminer au Stade de France. Sans cette aide, c'était la mort à petit feu. Et effectivement, au bout d'un moment, quand tu vois l'année 2018, il y a plus de 15 bars qui ont fermé, qui pour ce problème en fait de sonorisation, c'est plutôt scandaleux. Mais voilà, en tout cas, continuez de sortir, continuez de profiter de la musique. Mon petit coup de cœur et mon petit coup de gueule que je vous envoie ce soir va directement à la Comédia, que j'espère certains d'entre vous connaissent. La Comédia, du coup, qui se trouve à Montreuil, salle à concert, lieu éphémère, et bien plus. Pour certains, c'est un porte d'attache dans le quartier, pour d'autres, un corridor explosif où tout se lâche, souvent un lieu de passage, d'échange et de convergence, de lutte ou de soirée. Lutte anarchiste, lieu anarchiste, mais on est content que ça existe. J'ai pu y aller personnellement à 3-4 reprises, voir des groupes, et voilà, c'est une super atmosphère, c'est un super groupe, et on les encourage et on les salue, parce que la Comédia risque de bientôt fermer elle aussi, mais ne vous inquiétez pas, la Comédia est en friche, elle restera même aux normes, lieu éphémère, comme la vie qu'elle accueille, mais il faut qu'elle le reste, voilà. Donc l'éphémère fait un petit peu partie de nos vies aujourd'hui. La culture est toujours basée comme ça. Vous savez, c'est toujours des phases, hein, de la destruction via la naissance. Donc voilà, moi j'y crois. Et voilà, continuez de faire tout ce que vous faites. Allez à la Comédia, du coup. Retrouvez-les sur Facebook. Vous pouvez aller voir High on Wheels le 22 février. Molds et Stone Therapist le 23 février, les Critters and the Radioactives, et le 1er mars vous retrouverez le Glory Jeezy and Guest. On ne sait pas, c'est une surprise, mais en tout cas allez voir Glory Jeezy, ils sont vraiment très très bons, ils vous mettent le feu, aux poudres, et on les embrasse et on embrasse la Comédia. Pour ce soir, je vous invite à retrouver Requin Chagrin au motel Deck. Donahue plus un petit DJ set, beaucoup beaucoup de bière maison, Ce soir, vous pouvez retrouver de la Pils, de l'oscillateur harmonique, de la Mission Pale Ale, du Macro Extra Porter. Voilà, c'était le petit placement de produit de l'émission. On ne fait pas de pub ici, mais j'en fais une petite pour un événement qui en vaut la chandelle. Et je vous invite également à aller voir Madagascar 1947, Fahavalo, à l'Espace Saint-Michel à Paris. C'est le mercredi, vendredi, samedi, jeudi, dimanche, lundi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, voilà. T'en retrouves tous les jours, il y a une projection. Voilà, à l'Espace Saint-Michel. Voilà, un petit synopsis rapide. C'est un très beau film historique qui évoque leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de sa guerre. Et c'est une histoire d'insurgés et de rébellion contre le système colonial. Je salue Marie-Clémence Adrien Montapaes, la réalisatrice de ce film Madagascar 1947, Fahavalo, et Gabriel Darmon, voilà, qui ont travaillé ensemble sur ce magnifique projet qui a pris plus de 5 ans, plusieurs festivals à son actif. Et voilà, je vous invite à aller retrouver le film à l'Espace Saint-Michel toute cette semaine. Et je vous remercie, vous étiez au fond près du jukebox. Restez à l'antenne, nous allons retourner près du radiateur. Voilà, c'était Alexis. Passez une excellente semaine, tout le monde. À la semaine prochaine. 106.3 FM. Et vous étiez sur Radio Fréquence Paris Pluriel, au fond près du radiateur. Vous pourrez nous retrouver dès demain sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pardon. Et ça va, on se moque pas, c'est la fin de journée. La honte. Également nous retrouver vendredi en rediffusion de 7h à 8h30. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci je vous dis tous. À la semaine prochaine. À mardi prochain, bye. Ciao. Et l'amour sauvera le monde. Des bisous, ciao. Bye. Thank you.